venez regarder tes yeux. Et laisse-moi le faire. Sinon, je les crève tes yeux. Et montre-moi ton cou. Et je veux l'embrasser. Laisse-moi le faire. Sinon, je le coupe ton cou. Ouais, c'est moi le macho. Ouais, c'est moi le falot. Dragueur de midi, le baiseur de minuit. Et montre-moi tes seins. Et je veux les toucher. Laisse-moi le faire. Sinon, je les arrache des seins. Oh man.